l'Éternel, écoute ma prière. Que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je t'invoque. Mes jours s'évanouissent comme la fumée. Mes os brûlent comme un foyer. Mon cœur est frappé, desséché comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. À force de gémir, je suis réduit à la peau et aux os. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme la chouette des ruines. Je veille solitaire comme l'oiseau sur un toit. Mes ennemis m'insultent tout le jour. Ceux qui se déchaînent jurent contre moi. Je mange la cendre comme du pain. Je mets les larmes à ma boisson. Mais toi, Éternel, tu règnes à jamais. Ton souvenir subsiste de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir compassion est arrivé. Les nations craindront ton nom, les rois de la terre ta gloire, les enfants de tes serviteurs auront une demeure. Leur postérité subsistera devant toi. Mes années s'évanouissent, mais toi tu demeures.